pourri, les impolis, les graffitis, les mal nourris, le harcèlement, le ministre qui ment, les médicaments, les sacrements. Les estropiés, les patrouillés, les corps aux pieds, les chanteurs pompiers, les fesses à l'air, la bonne bière, les poils pubères et les belles mères. Les grimaces, les rapaces, les comptes.